Je me laisse glisser comme un bodyboard dans un rouleau de mousse. Mon boulot me pousse à devenir un homme moderne, customisateur de proverbes. La fontaine où coulent mes émotions, écrire la peur de l'érosion. J'insiste, mec, vivre c'est prendre un risque. La terre est ronde autant que nos vies sont plates comme un disque. Fuis tel le venin du piton. Dès que je mate un truc louche, je presse le Larousse comme un citron. Sinon j'empathie, donc tout me concerne. Je coule comme Michael sur les planches d'une salle de concert. Ne laisse pas s'échapper à la surface le mazout. Indépendant paye mes projets à la sueur du mois d'août. On liquide nos ennemis comme Stallone. Disque les blancs, les noirs, c'est stratégie comme à ballon. Si la pression est trop forte et que le temps est maussade, laisse couler, laisse couler, laisse couler. Si tu n'as rien d'autre à faire, tu lutte comme un malade. Laisse couler, laisse couler, laisse couler. Et si t'as pas le caractère, tu refuses la parade. Laisse couler, laisse couler, laisse couler. Alors prends-toi une pause avant de tomber en rade. Laisse couler, laisse couler, laisse couler. Putain mais profite, respire si ça va trop vite. Prends le temps de vivre et surtout reste peace. N'écoute pas les coups bas, de bas étage évite ça. Tes viscères s'emporteront bien mieux et vice versa. Relativise, cultive ton jardin. Attise la flamme de l'enfance cachée dans le labyrinthe. Médite, le temps qui passe efface les sourires. Un ultime sursaut avant le dernier soupir. Mec tu transpires, reprends ton souffle à zéro. Sirote en verre de fou rire à l'apéro. Les cauchemars se balayent, les ras-le-bol se balancent. On s'emballe, en attendant demain on avance. Donc laisse couler si t'es las de caler. Si t'as l'âge de casser, ne laisse pas les tracts attaquer en masse. Le vice n'attend que ça, que tu glisses en bas. Quand toi s'insinue les mauvais réflexes du mode de combat. Si la pression est trop forte et que le temps est maussade, laisse couler, laisse couler, laisse couler. Si tu n'as rien d'autre à faire, tu luttes comme un malade. Laisse couler, laisse couler, laisse couler. Et si t'as pas le caractère, tu refuses la parade. Laisse couler, laisse couler, laisse couler. Alors prends-toi une pause avant de tomber en rade. Laisse couler, laisse couler, laisse couler. Le temps s'écoule, je savoure ma ration. À l'affût d'apaisement, le Rhône a coulé sous les ponts. En plongée constante, mon pote plante le décor. Plus facile de blâmer que de mettre tout le monde d'accord. Lâche prise, comme pour tester la gravité. L'art de conjuguer choses graves et légèreté. J'ai déserté le milieu pour m'importer dans milieu. L'humilité étant encore ce que j'ai fait de mieux. Je laisse couler comme si j'en avais rien à foutre. Affûté par la flemme, ma plume, elle laisse parler la foudre. Jouer les coudes pour se faire entendre. On sème notre poudre à défaut d'entreprendre. Je mets le sérieux et nonchalance pour me préserver du stress. Je reste simple, pratiquant ni braquage ni caresse. Méticuleux quand il faut mettre de l'ordre. L'instinct d'orfèvre, ce que je distille c'est de l'or. Si la pression est trop forte et que le temps est maussade, laisse couler, laisse couler, laisse couler. Si tu n'as rien d'autre à faire, tu luttes comme un malade. Laisse couler, laisse couler, laisse couler. Et si t'as pas le caractère, tu refuses la parade. Laisse couler, laisse couler, laisse couler. Alors prends-toi une pause avant de tomber en rade. Laisse couler, laisse couler, laisse couler.